On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance. Qui ? Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve. Non, ils n'ont pas compris pourquoi on n'est pas copains, tous sur un. La secte est servie, laisse faire mon esbe. Non, ils n'ont pas compris pourquoi on n'est pas copains, tous sur un. La secte est servie, laisse faire mon esbe. J'ai des miettes dans la pocket, regarde ce que les mecs sont prêts à faire pour des savonnettes. Merde. Ils ont la bave aux lèvres, mon style est malhonnête, ma tête s'embête à faire de l'argent avec entêtement. Être à l'aise dans mes vêtements, le linge est clair. Il est clean et bien repassé. Grenaille cachée pas loin pour les salopes qui veulent me les casser. Sors les fronts, sors sans doute j'merguez pour tout le monde. J'parle pas basket ni sexe quand j'ai que les putes ont besoin d'un coup de pompe. 2325 bâtiments, j'détruis tes arguments avec un style pertinent. Les frères se battent pour la caille, cherchent le magot, trouvent la faille, deviennent accro à des films de boule anal. Nique les petites caisses, les percutent du plexus jusqu'au biceps. J'suis sur leur texte, nul leur clip pour minette. Mon freestyle, mi-style, mi-try, chaque fois j'suis c'est du cristal. Ouais. Ils n'ont pas compris pourquoi on n'est pas copains, tous sur un. La secte est servie, laisse faire mon esbe. Non, ils n'ont pas compris pourquoi on n'est pas copains, tous sur un. La secte est servie, laisse faire mon esbe. Que la secte OZ était terminée. Je voulais la coupe à Ben Affleck, j'ai eu la coupe à Bustaflex. J'ai l'anaconda qui fait vibrer mes ex. Je suis l'expert, appelle-moi visionnaire. On fait le dictionnaire, laisse-moi faire, c'est moi le missionnaire. Ouais. Ma femme me casse les pieds parce que je rentre tard le soir. Je suis un homme, je paie le loyer, j'ai le droit de boire. Comme t'es pas très bonne, tu peux séduire dans le noir. Faut croire pour le voir, faut voir pour y croire. On est des criminels avec Ménard Valo. Mettez-moi du sky, je ne bois pas de l'eau. Jamais. Je te craque comme des marshmallows, c'est moi le pur salaud. Croco sur le polo, le style water polo. Je lui dis la prochaine fois, ramène ta pote, je ramène mon pote Dookie. Histoire qu'on puisse rider toute la nuit. Non, ils n'ont pas compris pourquoi on n'est pas copains, tous sur un. La secte est servie, laisse faire mon esbe. Ils n'ont pas compris pourquoi on n'est pas copains, tous sur un. La secte est servie, laisse faire mon esbe. Non, ils n'ont pas compris pourquoi on n'est pas copains, tous sur un. La secte est servie, laisse faire mon esbe. Ils n'ont pas compris.